L'envie de tout casser, de se défouler. Quand la force des choses fait que t'as plus la foi, que tu te dis qu'est-ce tu fous là. Complètement à l'ouest quand tu perds le nord. Hors du temps, moral en vrac et tête en miettes. En fait autant être mort. Putain, quel sens a cette vie. Lorsque t'es ivre de rage, que tout échappe, que tu contrôles plus rien. Pâte aux gens dans ce marécage d'épaisse pure et purin. Sur un air déstructuré, pourri, orchestré par des forces occultes, des spectres aimantes séquestrés. Il faut que ça sorte, ok. Des cris, des coups dans le vide, des plis dans le mur. Le pan qui se brise, le sang qui coule, des cris encore. Le corps fébrile, des pleurs sceptiques, des purs d'égo, des gros dégâts à l'intérieur et merde quoi. Rappelle la dernière fois, c'était juré promis que ce serait la dernière fois. Rire nerveux alors que rien ne va plus, tu rigoles de quoi. Tu dois vouloir noyer le poisson dans une gueule de bois. Sacrée façon de noyer du noir. Pensez si sombre à croire qu'elles ont eu marre de passer leurs pieds sales par le paillasson. Tu vas voir le mauvais quart d'heure interminable, le purgatoire. Et le lendemain matin, encore tout engourdi, mal au crâne et à la main, les souvenirs en sourdine. Tu ne répondras plus de rien jusqu'à la prochaine roue libre. Merci encore et surtout à la prochaine. La fatigue s'empare des derniers de mes remparts. Ça repart en perte de repères. J'obtempère avec cette bête qui est en moi, témoin de mes émois. Je sens ces grises acérées, ces cris arriérées, ces primaires, sa crinière, ces bruits d'aliénés. Entends la s'agiter, rugir et saliver. Comment est-ce arrivé à moins que ça n'ait toujours été là dans tous les états, étalés, les terrasses. Et je cherche les étés, les tréteaux pour me soutenir, mais ne trouve que des étaux pour me traiter. Prêt à flancher, je flagelle sur plancher, penché, tranché. Je ne déverse, je ne peux m'étancher, c'est le danger. Tout est confus, un peu mélangé. J'aimerais m'élancer, m'élasser. Les pieds cloués au sol, j'ai dû m'en mêler les lacets. C'est assez chassé, naturel, il revient qu'au chaos. Faudrait que je me tienne à carreau, car ça tourne pas rond. Même si j'ai l'air calme, stable, sage, que je ne laisse pas de place à la rage. Je me méfie de l'eau qui dort, perché dans mon oppidum. Gladiateur dans le corridor, allaité à l'opium. La bête est maintenue tout ankylosé, sous tranquillisant, je montre un air équilibré. Ni galère, ni calvaire, n'altère mon humeur. Pas d'accès de fureur, ni de pas de travers. Alors dites-moi pourquoi je ne marche pas droit et qui laisse ses ongles incrustés sur la paroi. Complètement à l'ouest. C'est complètement à l'ouest.